Chapitre 34e, dernière confession. Pendant ce temps, William Halliburton et sa femme avaient traversé la Manche. Parmi les lettres qui donnaient de leurs nouvelles était la suivante, adressée par Marie à Madame Ashley après une semaine ou deux de séjour à l'étranger. Dunkerque, 24 septembre, hôtel du Chapon Rouge. Ma bien chère maman, vous avez appris par William comment il se fait que nous avons changé d'itinéraire. Je trouvais le bord de la mer si beau que je ne voulais pas le quitter même pour Paris, et nous avons résolu de rester ici, puisque j'aurai d'ailleurs d'autres occasions d'aller à Paris avec William. Boulogne était si bruyant que nous en sommes partis. Nous avons été à Calais et à Gravelines, à Bourbourg et à Cassel. Ces deux dernières villes ne sont pas sur les côtes. De Cassel, qu'il ne faut pas confondre avec Cassel en Allemagne, la vue est magnifique. Nous avons rencontré au sommet de la colline quelques Anglais qui nous ont dit qu'on appelait Cassel le Malvern de la France. J'avoue que je ne saurais lequel préférer. Ils nous ont assuré qu'on pouvait de là distinguer 80 villes ou villages, mais nous ne les avons pas comptés. Nous voyons la mer à distance, tout comme de Malvern, on aperçoit le canal de Bristol. À peu de distance s'élève un monastère de l'ordre de la Trappe, dont les moines ne parlent jamais, sauf pour prononcer le memento mori lorsqu'ils se rencontrent. De Cassel, nous sommes venus à Dunkerque, où nous sommes descendus à l'hôtel du Chapeau Rouge, le seul grand hôtel, le second ayant été converti en couvent il y a quelque temps. Tous les deux sont dans la rue des Capucins. Dunkerque est une vieille ville fortifiée assez jolie. Une statue de Jean Bart orne la place principale. C'est sur cette place que se tient le marché. Quelle foule le samedi! Les bonnets des paysannes, blancs comme la neige, brillaient au soleil. Je ne puis vous dire combien ces vieilles villes flamandes me plaisent. Au clair de lune, elles me rappellent les vieilles peintures. Nous avons aperçu un grand bassin, un long port et un quai. Une dame anglaise, que nous avons rencontrée à table d'hôte, nous a dit qu'elle avait vécu 4 ans à Dunkerque sans jamais aller jusqu'au bout du quai. La campagne aux alentours est plate et pauvre. Les classes inférieures parlent flamand. Mais je vais laisser de côté toutes ces descriptions pour vous raconter ce qui nous est arrivé. Il y a ici un parc. Samedi passé, jour de notre arrivée, William et moi, nous nous y promenions. Nous nous assîmes sur un banc en face d'une vieille tour. J'étais assez fatigué, ayant été jusqu'au bout du quai. Une personne était assise à l'autre bout du banc, mais nous ne faisions pas attention à elle. Tout à coup, elle se tourna vers moi et me dit « N'ai-je pas l'honneur de voir Mademoiselle Ashley ?» Maman, jugez de ma surprise, c'était cette institutrice italienne des Dares, Mademoiselle Barsini, comme il l'appelait. William s'interposa. Je crois qu'il ne tenait pas à ce qu'elle me parlât. Il pensait sans doute à cette rumeur qui était venue d'Allemagne. Il se leva et me prit le bras pour m'emmener en répondant. Autrefois Mademoiselle Ashley, maintenant Madame Halliburton. Mais la mauvaise humeur de William, si tant est qu'il en eût éprouvé, s'évanouit lorsqu'il la regarda. Je ne puis vous dire comme elle a l'air malade. Ses joues sont livides et creuses, ses yeux sont enfoncés, cerclés de noir, ses lèvres sont presque noires. Êtes-vous malade ? Lui demandai-je. Je suis si malade que dans quelques jours ce sera fini, me répondit-elle. Le docteur m'a donné jusqu'à la chute des feuilles, elle tombe déjà. Dans moins d'une semaine, je serai couché encore plus bas que les feuilles. Herbert Dare est-il avec vous ? Lui demanda William. Il m'a dit depuis qu'il avait parlé, sous l'impression du moment, que s'il avait réfléchi, il n'aurait pas fait cette question. « Non, il n'est pas avec moi, » l'a-t-elle répondu d'un ton perçant. « Je ne sais pas où il est. Ce n'est qu'un vagabond sur la surface de la terre. »« Qu'avez-vous donc ?» demanda encore William. « On dit que c'est un dépérissement, » expliqua-t-elle. « J'étais à Bruxelles, gagnant ma vie en donnant des leçons. Il me fallait sortir par tous les temps. Je ne soignais pas les rhumes que je prenais. Ils ont fini par me tomber sur la poitrine. » « Y a-t-il longtemps que vous êtes ici ?»« J'y suis depuis le mois d'août. Le docteur belge m'avait dit qu'un changement d'air pourra me faire du bien. Je suis venu ici. Peu m'importait où j'allais, mais cela m'a fait du mal. Mon état empirait dès mon arrivée, et le médecin d'ici m'a dit que je ne devais pas bouger. Qu'est-ce que ça me fait ? Autant vaut mourir ici qu'ailleurs. » Sa figure annonçait bien une mort prochaine. Cependant, William essaya de lui dire un mot de consolation. Elle interrompit. « Je ne guérirai pas. Je suis sûr de mourir. Il faut espérer que cela ne tardera pas, ou mon argent n'y tiendrait pas. » Elle parlait avec un calme effrayant. Avant que je puisse dire un mot, elle se tourna vers William. « Vous êtes le William Halley ? Je n'ai jamais pu prononcer votre nom, qui était chez M. Ashley avec Cyril Dair. Puis-je vous demander où vous êtes descendu à Dunkerque, au Chapeau Rouge? Alors, si je vous faisais demander de venir causer avec moi, viendriez-vous? Continua-t-elle. J'aurais quelque chose à vous dire avant de mourir. William lui dit que nous resterions ici une semaine. Nous lui souhaitâmes le bonjour et nous reprîmes notre promenade. Peu après, nous aperçûmes une sœur de charité qui venait la chercher. Elle pouvait à peine se traîner et s'arrêter à chaque pas pour reprendre haleine. Tout cela s'est donc passé samedi. Ce soir, mercredi, comme nous nous levions de table, un garçon est venu avertir William qu'on le demandait. C'était la sœur de charité que nous avions vue dans le parc. Elle a dit à William que Madame Barsini était malade à la mort et désirait le voir. William est allé avec elle et je vous écris depuis son départ. Il est 10 heures et il n'est pas de retour. Je laisse ma lettre ouverte pour vous dire ce qu'elle lui voulait. Je ne puis pas le deviner. 11h30. William vient de rentrer, il croit qu'elle n'ira pas jusqu'à demain. Et j'ai tenu ma lettre ouverte pour rien, car il ne veut rien me raconter. Il dit qu'elle lui a parlé d'elle et de la famille d'air, mais que le récit est plutôt fait pour les oreilles de papa que pour les miennes. Toutes mes amitiés à papa et à Henry. Nous sommes si contents que Gare soit nommée adé aux femmes. Croyez-moi, chère maman, votre fille qui vous aime, Marie Halliburton. Excusez la rature, j'allais écrire Marie Ashley. Cette rencontre que racontait Marie était une de ces coïncidences bizarres qui arrivent quelquefois dans la vie. Rencontre du hasard, dira-t-on. Ce n'est pourtant pas le hasard qui conduisait les jeunes mariés à Dunkerque. Quand William sortit avec la sœur, elle le fit entrer dans un petit logement de la rue Nationale, à peu de distance de l'hôtel. L'appartement consistait en une antichambre et une chambre à coucher. La signora Barsini était dans la seconde pièce, assise dans un fauteuil, entourée de coussins et enveloppée d'un vieux peignoir défraîchi, le même peut-être qu'elle avait porté la nuit de la mort d'Anthony Dair. William fut surpris de la trouver levée. D'après ce que lui avait dit la sœur, il s'attendait à la voir à la dernière extrémité. Mais elle ne pouvait rester en repos, quoiqu'elle fût évidemment plus faible. William s'assit en face d'elle, une petite lampe placée sur la table et couverte d'un capuchon vert obscurcissait la chambre et lui permettait à peine de distinguer ses traits. La sœur se retira dans l'antichambre et ferma la porte en recommandant à madame de ne pas causer beaucoup. Pendant quelques moments, madame garda le silence, puis elle dit « Je ne vous aurais pas reconnu. Je ne vous ai pas beaucoup vu, mais j'ai tout de suite reconnu mademoiselle Ashley. Vous avez bien réussi ?»« Oui, je suis l'associée de M. Ashley. » Ah, Cyril qui comptait là-dessus. Et sur mademoiselle Ashley aussi. Bon, monsieur Cyril, me disais-je quelquefois, ni l'un ni l'autre pour toi. Où est-il? Cyril, il est chez lui, ne faisant rien de bon. Il n'a jamais rien fait de bon, dit-elle avec acrimonie. Lui, le frère de Herbert. Et l'autre, George? George est en Australie. Il a la chance de réussir à ce que je crois. Les filles sont-elles mariées? Non. Ni Adélaïde? Non. Un sourire plissa ses lèvres fiévreuses. Mademoiselle Adélaïde, elle en tenait pour ce vicomte. Bon, me disais-je comme pour Cyril, il n'y a pas de vicomte pour elle, il ne fait que se moquer d'elle. Y va-t-il maintenant? Non, toute intimité a cessé. Ils sont descendus bien bas, n'est-ce pas? Ils sont très pauvres? Je le crains, oui. Ils sont descendus bien bas. Puis-je vous demander ce que vous voulez de moi? Vous le demandez bien vite, répondit-elle avec aigreur. Craignez-vous que je vous salisse, comme vous en avez eu pour samedi pour votre femme? Si je puis vous aider en quelque manière, je serai heureux de le faire. Dit William avec douceur. Je crois que vous êtes bien malade. Le docteur est venu ici cet après-midi. Ma chère, m'a-t-il dit, demain ce sera fini. Vous êtes trop faible pour durer plus longtemps. L'intérieur est usé. Il vous a parlé de la sorte, un médecin? Il sait bien que j'en sais autant que lui sur mon état. Il n'est pas aussi franc avec tous ces malades. Alors j'ai dit à la sœur, levez-moi et faites mon lit, car je veux voir un ami, et je l'ai envoyé vous chercher. Je vous ai dit que je voudrais que vous me rendissiez un petit service. Voulez-vous le faire, si je le puis? Ce n'est pas grand-chose. C'est cela. Elle tira de dessous son peignoir un petit paquet cacheté et affranchi. Voulez-vous le mettre à la poste quand je serai morte? Pas avant. Certainement, répondit-il en le prenant et en regardant l'adresse. Herbert Dair à Düsseldorf. Est-il à Düsseldorf? Demanda-t-il. C'était son adresse la dernière fois que j'ai entendu parler de lui. Il est tantôt ici, tantôt là. Un vagabond, comme je vous l'ai dit. Il est comme Caïn. Cain errait sur la terre sans jamais trouver de repos, continua-t-elle avec véhémence. Herbarder est comme lui. Qu'y a-t-il là d'étonnant? Cain avait tué son frère, et lui, qu'a-t-il fait? William la regardait autant que le permettait le peu de clarté de la chambre. Ses traits s'altéraient sous l'empire de la colère. Il n'a pas tué son frère. Vous étiez en ce temps à Helstonleigh, et vous devez vous souvenir qu'il était acquitté, mademoiselle. Quand le crime était commis, il était hors de la maison. Oui, avec cette petite puritaine en costume bon, tout au plus pour vos folles de... Comment dites-vous? De Bedlam? Je sais bien qu'il était ailleurs, mais je vous dis qu'il l'a tué. Elle prononça les derniers mots lentement et distinctement. William sentit le froid au cœur. « Que voulez-vous dire ? » fit-il avec effort. « J'envoie la lettre dont vous chargez à Herbert le méchant. Mais il va errant de lieu en lieu, et il se peut qu'elle ne lui parvienne jamais. Aussi, je vais vous dire ce qui est écrit dans cette lettre, afin que vous le lui répétiez si jamais vous le rencontrez. Qu'est-ce que c'est ? Me promettez-vous de le lui dire ? Pas avant de savoir ce que c'est. » répondit William avec fermeté. « Confiez-moi ce secret, et je le regarderai comme sacré. » Mais je m'en referai à mon jugement, pour le répéter à Herbert Dare. C'est un secret qu'il vaut peut-être mieux taire. Je ne vous demande pas de le regarder comme sacré. Vous pouvez le dire à tout le monde, à votre femme, à tout Helstonleigh, si vous voulez, mais pas avant que je sois morte. Voulez-vous me faire cette promesse? Volontiers. Sur votre honneur, William sourit. Sur mon honneur, si cela vous satisfait mieux, ce n'était pas nécessaire. Elle resta silencieuse quelques moments, puis elle éclata tout à coup avec violence. « Quand vous le verrez, cet infâme, ce vaurien... »« Je vous prie d'être calme, » interrompit William. « Cette excitation est dangereuse. Je ne puis plus vous écouter si vous continuez sur ce ton. » Elle se pencha vers lui et d'un ton plus calme. « Dites-lui que c'est lui qui a causé la mort de son frère Anthony. » Son esprit était-il égaré? Elle continua. « Je l'ai tué. » Je l'ai tué croyant que c'était M. Herbert. À peine ces mots étaient-ils échappés des lèvres tremblantes de la signora, que tout ce qui avait paru extraordinaire dans cette affaire s'évanouit comme en fumée aux yeux de William. Le mystère qui avait enveloppé cette affaire, la presque impossibilité d'accuser personne, s'expliquait. Il sentit qu'elle disait la vérité et il recula involontairement. Il se jouait de moi, ce vilain Herbert. Reprit-elle avec agitation. Il me faisait des histoires, il me trompait, il m'avait forcé à l'aimer. Oh, je l'aimais, je ne vous dirai pas combien. Et puis, il s'est moqué de moi, il s'est amusé pour faire passer le temps. Sa voix était sifflante, sa figure livide, elle tremblait comme une feuille. William se leva pour la soutenir, quoique tout son être se révolta. Y a-t-il quelque chose qu'on puisse donner à madame? Cria-t-il en français à la sœur. La sœur entra. Mais oui, monsieur, madame s'agite, n'est-ce pas? Il s'agit de beaucoup. La sœur versa quelques gouttes d'un flacon dans un verre d'eau et l'approcha des lèvres livides de la malade. Si vous vous agitez comme cela, vous allez vous tuer, madame, savez-vous? Lui dit-elle. Je le crains aussi, ajouta William en anglais. Il vaut mieux que je ne vous écoute pas, si cela doit vous mettre dans cet état. Elle se calma, la sœur sortit, William se rassit et elle continua. Je ne m'agiterai plus. Je ne vous donnerai pas les détails de ce que j'ai souffert, à quoi bon? Je souffrais le matin, le soir, la nuit, mon cœur était malade, et depuis lors, je n'ai jamais été bien. Doucement, mademoiselle Barcini, la sœur va vous entendre. Qu'importe, elle ne comprend pas l'anglais. Je ne puis réellement, par égard pour vous, rester ici si vous vous remettez dans cet état. Restez, écoutez-moi. Vous m'avez promis de m'écouter. Je resterai si vous êtes calme. Je serai calme, répondit-elle en faisant violent effort pour réprimer sa colère. Le pire est dit, ou plutôt, je ne vous dis pas le pire. Ce méchant Herbert, êtes-vous surpris que j'ai voulu me venger? En présence de cette nature fière et sauvage, William ne s'en étonnait pas. Je ne vous comprends pas encore, dit-il à voix basse. Avez-vous tué Anthony? Elle se renversa sur ses coussins et joignit les mains. Oh, dites-lui que j'ai tué Anthony, croyant que c'était lui, Herbert. Quelle affreuse histoire! Dit William en frissonnant. « Je ne voulais pas que ce fût aussi affreux, » expliqua-t-elle avec calme. « Et je vous le dis aussi, vrai que si c'était ma confession avant de recevoir le bon Dieu, je ne voulais que le blesser. Herbert? Oui, Herbert. Quel autre que Herbert? » s'écria-t-elle en retombant dans un accès de colère. « Avais-je quelque raison d'en vouloir, ce pauvre Anthony? Non, non, Anthony était brusque avec les autres, mais avec moi il était toujours poli. Je n'aimais pas Cyril, mais je ne détestais pas Anthony, ni George. » « Ah, pourquoi, pourquoi ?» Et elle se tordait les mains. « Pourquoi Anthony est-il sorti cette nuit lorsqu'il avait dit qu'il montait dans sa chambre? C'est de là que vient tout le mal. Non, pas tout, dit William à voix basse. Oui, tout, répéta-t-elle sèchement. Je ne voulais que lui donner une petite leçon, Monsieur Herbert, et mettre Harry à ses rendez-vous dans le champ. Je l'aimais trop pour le tuer. Anthony ne serait pas mort, mais il était ivre. Il est tombé sur la pointe de... Des ciseaux, suggéra William. J'avais quelque chose de plus tranchant que des ciseaux, peu importe, quoi. Herbert a échappé à la blessure que je lui destinais. Et le pauvre Anthony en a été tué. Il y eut ici un long et douloureux silence. William l'interrompit. Et cependant, dit-il, vous avez été à Rotterdam retrouver Herbert. Quand il m'a écrit que je trouverais de bonnes leçons dans cette ville, pouvais-je deviner que ce n'était pas vrai? Pouvais-je savoir qu'il m'emprunterait tout mon argent? Pouvais-je savoir qu'il se montrerait? Mademoiselle, soyez calme, je vous prie. Je ne dirai rien de plus, c'est fini. Mais je tiens à ce qu'il sache que l'œuvre de cette belle nuit était son œuvre. Celui qui était mis en prison le méritait. La lettre que je vous ai donnée ne l'atteindra peut-être jamais. Je vous demande en ce cas de lui répéter ce que je vous ai dit. Alors, vous n'y avez jamais fait allusion? Jamais, j'avais peur, mais vous le lui direz. Je ne puis vous le promettre. Il est d'ailleurs fort peu probable que je le rencontre. Vous rencontrez des gens que vous ne cherchez pas. Jusqu'à samedi, vous n'auriez pas cru probable de me rencontrer. C'est vrai. Maintenant que l'aveu était fait, elle se sentait brisée. William se leva pour partir. Elle lui tendit la main. Pouvait-il la refuser, quelque coupable qu'elle fût? Non. Qu'était-il pour la condamner? Elle était mourante. Ne peut-on rien faire pour adoucir vos souffrances? Demanda-t-il avec bonté. Rien. Plus tôt la mort viendra m'en débarrasser, mieux cela vaudra. Il hésitait à partir. Il se pencha vers elle et dit à voix basse. Avez-vous pensé à l'autre vie? À la nécessité du repentir? Avez-vous cherché le pardon de Dieu? C'est là la manière des protestants, répondit-elle. Mais moi j'ai fait ma confession à un prêtre, et il m'a donné l'absolution, un bon vieux, qui était très aimable avec moi. Il a vu combien j'ai été ballotté toute ma vie. Il m'apportera le bon Dieu à la fin, et il fera dire une messe pour mon âme. Je croyais que vous étiez protestante, ni l'un ni l'autre. J'ai dit à Madame Dare que j'étais protestante, mais la religion catholique romaine est plus commode quand on s'en va. Vos prêtres disent qu'ils ne peuvent pas pardonner les péchés. L'entrevue avait occupé plus de temps que dans notre récit, et quand William rentra à l'hôtel, il trouva Marie fatiguée, inquiète de sa longue absence et la lettre que nous avons lue attendant une conclusion. « Tu es fatiguée, ma chérie, tu n'aurais pas dû rester debout. »« Je croyais que tu ne reviendrais jamais, William. Je pensais que tu avais peut-être pris le paquebot de Londres et que tu m'avais laissé ici. L'omnibus de l'hôtel emmenait des passagers à 10 heures. » William s'assit sur un sofa et l'attira à lui. Le cœur plein de reconnaissance en contemplant sa femme, dont la nature aimante et douce faisait un si vif contraste avec celle qu'il venait de quitter. « Et que te voulait Mademoiselle Barcini, William? Était-elle réellement mourante? Je crois que oui. Ne me demande pas ce qu'elle voulait, Marie. Elle avait quelque chose à me dire sur elle et sur les terres. Mais je racontais tout cela à maman, et j'ai laissé ma lettre ouverte pour y ajouter ce que t'aurait appris l'institutrice. Que dois-je lui dire? Dis-lui ce que je te dis, ma chérie. Que ce que j'ai entendu convient mieux aux oreilles de M. Ashley Cotienne. » Marie se leva et écrivit rapidement les dernières lignes. William la regardait. Il se mit à rire à la rature. « Je ne suis pas encore familiarisé avec mon nouveau nom. J'allais signer Marie Ashley. »« Voudrais-tu reprendre ton ancien nom, si tu le pouvais ?» demanda-t-il en riant. « Oh, William !» Samedi vint. Ils devaient repartir le même jour et faisaient une promenade dans le marché quand des chants funèbres retentirent leurs oreilles. Un convoi approchait. William, par un mouvement subi, demanda à une marchande, debout sur le seuil de sa boutique, s'il savait ce que c'était. « Monsieur, c'est l'enterrement d'une étrangère. Une Italienne, dit-on, une Madame Barcini. »« Oh, William, l'enterre-t-on déjà ?» s'écria Marie. « Ce n'est qu'hier à midi que la sœur est venue te dire qu'elle était morte, et on l'enterre déjà. » « Chut, Marie. La plupart de ces gens comprennent l'anglais. On enterre très promptement les morts dans ce pays. » Ils restèrent sur le trottoir. Le convoi passa devant eux. Une bannière portée par un homme, deux enfants de cœur, un cierge à la main, un prêtre qui chantait, 8 hommes en chapeau blanc et un habit noir chargé du cercueil, des curieux comme il y en a partout. Comme la morte passait, William, suivant l'usage du pays, ôta son chapeau et resta tête découverte jusqu'à ce que le cortège eût disparu. C'est ainsi que s'en alla Bianca Barcini.